Et on poursuit cette édition des Matins éphémères. Cette fois, c'est en compagnie de Valérie Levé, animatrice de l'émission Futur Simple, qu'on ne peut plus entendre depuis un certain temps, mais qu'on espère retrouver bientôt sur nos ondes et qui est aussi journaliste scientifique. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline, tu vois, on peut m'entendre au Matin éphémère. Et c'est merveilleux. Mais tu as toute une équipe aussi, là. Vous avez une émission fantastique. Mais quand même, avec toi, on fait quand même un très beau travail pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette pandémie, la COVID-19, le virus et tout. Puis ce matin, on va parler en quelque sorte de... D'abord, si on met en perspective ce virus-là, on a vu que la Chine avait été frappée... Bien avant, il y a bien longtemps, là, ça a commencé en janvier là-bas. Les mesures de confinement se sont mises en place assez rapidement. Nous, on était prévenus de ce qui pouvait arriver si le virus arrivait chez nous. Ben, tu sais, on voyait ça de loin, on regardait, puis on disait, c'est en Chine. Mais en même temps, on connaît un peu la chanson. On sait que ces virus-là, ça se propage. Il semble que notre cerveau a peut-être joué des tours en se disant, on appelle ça les biais cognitifs, là, mais que nos biais cognitifs nous aient empêchés d'appréhender cette situation-là qui était loin, peut-être parce que c'était géographiquement loin, explique-nous un peu ce phénomène-là. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, on se retrouve en Occident, puis on est pris avec cette pandémie-là comme si ça nous tombait sur la tête? Ben oui, c'est ça. C'est comme si ça nous était arrivé du jour au lendemain, alors que l'épidémie de COVID a commencé en Chine, tu l'as dit, janvier, mais bon, ça a commencé, les premiers cas sont apparus en novembre ou décembre 2019, sous le nom de COVID-19. Puis elle est arrivée en Iran, puis en Italie en février, puis s'est généralisé en Europe et ça nous arrive en mars en Amérique du Nord. Alors, à part les Chinois, personne ne peut dire qu'on n'a pas été en quelque sorte prévenu. Et puis pourtant, force est de constater que l'histoire se répète un peu partout. Les mesures barrières sont érigées un peu au dernier moment, parfois même trop tard dans certains pays. Et puis maintenant, on le voit, tous les pays font la course aux masques comme s'ils étaient pris au dépourvu. Et pourtant, on a des modèles qui nous disent qui permettent d'estimer la progression de la maladie. Si on peut estimer la progression de la maladie, on peut estimer le nombre de malades et donc le nombre d'hospitalisations. Mais il semble qu'on ne soit pas capable d'en déduire les masques nécessaires et de s'apercevoir que les stocks ne sont pas suffisants. Mm-hmm. Donc, pour moi, ça, c'est un point d'interrogation. Ouais. Et maintenant, les gouvernements demandent au dernier moment aux industries de fabriquer des masques et d'autres équipements. Puis il y a même un certain gouvernement qui ose aller détourner les cargaisons sur le tarmac des aéroports en Chine. Donc, et pourtant, on l'a vu venir, cette épidémie. Oui, c'est quand même étonnant, avec tous les moyens technologiques qu'on a, l'intelligence artificielle, on nous dit qu'on a des modèles, que c'est moins pire de ce à quoi on s'attendait. Si on a des courbes qui nous permettent de prédire le nombre de malades, on a des courbes qui doivent, ces mêmes courbes, on doit en déduire le nombre de masques. Exactement. Qui doit être nécessaire. Bon, alors comment se fait-il, Valérie, et j'espère que tu as une réponse, comment se fait-il qu'on a tardé à réagir? Ça, c'est la question que s'est posée Olivier Ciboni, qui est un professeur à HEC à Paris. Il est spécialiste, lui, de la prise de décisions stratégiques. Donc, il y a des décisions à prendre dans face à cette épidémie. Et des décisions qui sont stratégiques, justement. Donc, lui, il a écrit un article sur cet aveuglement face à la COVID-19 dans la revue Philonomiste. Et selon lui, nous sommes victimes de biais cognitifs qui déforment notre perception du risque. Bon, alors, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? Ouais. Parce que j'ai l'impression de le savoir, puis en même temps, si je me pose à moi-même la question, je suis pas certaine de bien comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Ouais, c'est un peu flou. C'est des filtres qu'on applique, souvent de façon involontaire, quand on cherche de l'information et quand on reçoit cette information. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Alors, il y a un biais qui commence à être connu, c'est le biais de confirmation. Ça, c'est le biais qui fait qu'on a tendance à ne chercher que l'information qui conforte nos idées. Alors, typiquement, les gens, si on est persuadé que la Terre est plate, on va chercher que les informations qui nous confortent notre idée que la Terre est plate. Mais ça s'applique à toutes sortes de controverses. Les gens qui sont contre les vaccins vont chercher que les informations qui vont les conforter dans l'idée que les vaccins, c'est pas bon. Puis ça s'applique à toutes sortes d'informations. Mmh. Et puis, il y a les biais cognitifs qui agissent comme des filtres, mais qui nous conduisent à une interprétation déformée de l'information qu'on va chercher. Mmh. Alors, tu vas nous donner là, peut-être un exemple avec la COVID-19. Il y aurait eu des biais cognitifs qui nous auraient quoi, empêcher de prendre conscience de ce qui va nous arriver. Je te laisse aller avec les exemples, peut-être. Ben oui, c'est ça. Donc, Olivier Ciboni, il nomme 4 biais cognitifs. Ouais. Alors, le premier, c'est le biais du modèle mental. Ça, c'est un biais qui nous induit à réfléchir en nous référant à des événements connus, des événements qu'on vit en ce moment, mais on se réfère à des événements semblables qu'on aurait déjà connus. Donc, en matière d'épidémie, dans nos pays, quelles sont les dernières épidémies auxquelles on peut se référer de notre vivant? On pense au SRAS, là, oui. Voilà, le SRAS, la grippe H1N1. Et puis, faut bien dire que dans nos pays, ces épidémies n'ont pas fait énormément de victimes. Mm-hmm. Et même pour le H1N1, rappelle-toi, il y a eu toute une campagne de vaccination. Et il y a eu des critiques à propos de cette campagne de vaccination intensive parce que finalement, l'alerte H1N1 avait une allure de fausse alerte parce qu'il n'y a pas eu vraiment de victimes. Mm-hmm. Donc, il ne s'est rien passé de dramatique. Alors, dans nos pays, par référence à ces épidémies, on aurait été porté à ne rien faire parce qu'on a eu des fausses alertes. Donc, cette fois-ci, ça va encore être une fausse alerte. Ouais. Et le deuxième biais, tu parlais qu'il y en avait 4, là, le deuxième. Ouais. Alors le deuxième, ça c'est un biais de nature mathématique. Et il y a beaucoup de biais cognitifs qui sont de nature mathématique parce qu'on a un peu du mal à se représenter des fois les nombres, les statistiques. Ouais. Et pourtant. Donc, ouais. Les nombres souvent gouvernent notre vie quand même, qu'on le veuille ou non. Donc ça c'est le biais de l'incompréhension de la croissance exponentielle. Alors par exemple en France, les chiffres montraient qu'au début mars, le nombre de cas doublait tous les 3 jours. Donc, si on a 10 cas le jour 1, 3 jours plus tard, le jour 3, on en a 20. Puis, au jour 6, on en a 40. Puis, au jour 9, on en a 80, etc. Alors, dit comme ça, on peut croire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est des petits nombres. Et pourtant? Puis on a tendance à voir une progression linéaire, là, une droite. Ça va progresser tranquillement. Sauf que si on continue et qu'on trace la courbe, on voit que c'est exponentiel. Mm-hmm. Et qu'au jour 30, on a près de 26 000 cas. Et qu'au jour 39, on a près de 700 000 cas. Oui, c'est clair. Donc là, voilà. Donc là, en 9 jours, on passe de 26 000 à 700 000 cas. Et ça, ce biais-là, il nous fait complètement sous-estimer la gravité de la situation. Clairement. Mais c'est quand même étonnant parce que nous, comme citoyens, on n'est peut-être pas obligés d'être bons en mathématiques et en courbe exponentielle, mais on suppose qu'il y a des scientifiques pour ça. Oui. Bref, exactement. Ils vont nous alerter, mais je pense qu'on l'a échappé, celle-là. Donc, incompréhension de la croissance exponentielle. Quel serait le troisième biais? Alors, le troisième biais que note Olivier Ciboni, c'est le biais de l'endogroupe. Il est plus facile à comprendre, celui-ci. Et c'est un biais qui nous porte à nous distinguer des autres. Donc, le coronavirus est arrivé en Chine. Comme tu le disais, c'est de l'autre bout du monde. Géographiquement, c'est pas chez nous. Donc, c'est un problème chinois qui peut pas nous arriver chez nous. Mm-hmm. Et même quand il est arrivé en Italie, que les Italiens ont peu à peu restreint leurs déplacements, les Français, qui sont voisins, ils ont mis du temps à réagir, comme si ça n'allait pas traverser la frontière, comme si le virus pouvait pas arriver chez eux aussi. Et puis, évidemment, on peut dire la même chose des États-Unis. C'est comme si eux aussi, ils ont mis du temps à réagir aussi, comme si eux aussi allaient être protégés. Ouais, mais pourtant les frontières sont très perméables quand il s'agit de commerce international. Ben oui. Il y a un quatrième biais là. Alors j'ai l'impression qu'on a fait le tour, mais non, on a encore un quatrième biais. Voilà. Donc le quatrième, c'est celui de la pensée moutonnière. Donc qui nous fait un peu nous comporter comme des moutons. Ah oui, ça on l'a vu avec le papier de toilette. J'ai vu des reportages. Non, mais je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai vu, si tu me permets, Valérie, un reportage où un monsieur puis le journaliste lui demande. C'était au début de la pandémie quand tout le monde se garochait pour acheter des tonnes de rouleaux de papier toilette. Puis le journaliste se demande, mais pourquoi vous avez acheté autant de papier toilette? Il dit, je ne sais pas, mais j'ai vu que tout le monde en achetait. Je me suis dit que ça devait être important. Je vais en acheter moi aussi. J'ai l'impression que c'est exactement ça. Là. C'est ça, exactement. Donc là, il y a une consigne de se cantonner chez soi. Mais pourquoi est-ce qu'on se cantonnerait chez soi si tout le monde le fait pas? Si on voit qu'il y a des gens qui continuent de se regrouper, d'aller prendre une bière au bar, pourquoi est-ce que je me cantonnerais chez moi? Après tout, on peut dire que si tous ces gens qui sortent, qui se regroupent, qui se ramassent, qui s'entassent comme ça entre eux, ils peuvent pas tous avoir tort. Donc, je vais faire comme eux. Et puis c'est ce qui a forcé la France à déployer la police pour ordonner le confinement de façon plus étroite. Ouais. Ah c'est facile comme on regarde ça là, on commence à avoir un certain recul sur tout ça. Mais qu'en est-il là, quand on est, tu sais, on a les deux pieds dedans puis qu'on regarde ça d'un autre œil? Oui, exactement. Hein. Ça, c'est... Et puis, Olivier Ciboni, d'ailleurs, il termine son article là-dessus. Et figure-toi, Caroline, qu'il y a un biais qui traite justement de cette tendance à surestimer rétrospectivement le fait qu'un événement aurait pu être mieux anticipé. Ben oui, donc, ben c'est oui. un biais qui nous fait dire « Ah ben oui, c'était prévisible, je savais que ça allait se passer comme ça ». Et ça, c'est le biais rétrospectif, justement. Donc, ce biais qui fait que après événement, on surestime notre capacité à être capable d'anticiper ce qui va se passer. On aurait pu le prévoir, mais c'est pas si simple que ça. Puis aussi, il faut bien dire que c'est facile d'analyser des biais cognitifs installés comme ça chez nous, de façon théorique, de les analyser séparément. Mais quand c'est en tenir compte en situation réelle et quand plusieurs biais se superposent, ben c'est une autre affaire quand même. Oui, oui. Et puis j'imagine, je suis pas dans la peau des dirigeants, mais pas facile de fermer l'économie quand le problème est pas encore arrivé. Fermer l'économie en prévention, peut-être que politiquement c'est plus difficile. Voilà, aussi. Il y a toutes sortes d'enjeux quand même qui se superposent et c'est pas si facile que ça. Puis, mais par contre, la leçon qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que il reste à voir comment cette expérience de la COVID nous préparera à ne pas sous-estimer la prochaine pandémie. Oui, oui, j'ai bien hâte de voir ça. Puis on n'espère pas qu'il y en ait une bientôt. Espérons qu'on reverra nos rapports avec les animaux sauvages. Pour ceux qui voudraient aller plus loin dans cette lecture-là, est-ce qu'il y a philonomiste? Oui, je vais mettre le lien. Moi, je vais mettre le lien sur la page Facebook de Futur Simple, puis tu peux partager ensuite. Exactement, je vais partager. Pour aller... C'est ça pour les autres précédentes aussi, comme je me réfère à d'autres articles, parce que j'invente rien quand même. Donc, à chaque fois, tu peux partager sur les matins éphémères. Excellent, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Valérie. C'est un grand plaisir. Au revoir. Et bonne fin de semaine. Oui.